Tes yeux sont de mer et dans ton regard se trouve l'horizon infini que les étoiles cachent. Tes bras, désert à découvrir, l'Eldorado dans des terres qui donnent naissance au soleil. Ton âme la plus pure, innocente et fertile, une falaise de granit, alchimiste qui transforme en or les coups des peines quotidiennes et le reste, simple plaisir et survie. Comment ne pas adorer ta nature fragile, tes paroles douces ou ta démarche humble, dompteuse de chagrin. Leila, mon être même, fragile.